Gretchen. Du Caprod. On est du vrai rap. Ok, yeah. Des amigos, pas de pilon, pas de contact, lâche-les. À ma naissance, 4 kilos, sarrasin, machallah. J'prends du poids, j'prends des risques. Pendant qu'elle me colle, j'écris mes lignes. J'suis criminel, incriminé. J'suis Herbel Gang, j'suis Medellin. J'te mets des bas, j't'en mets des bonnes. Ne m'aidez pas, j'repense à mes débuts. On paie des 4 ans, donc c'est paie des parles. On fait des 4, c'est qu'avec fond des 4. Amolichante, j'ai qu'une adresse. Va-t-il m'appelle, va-t-il m'approche. Je vis de la taille, je vis de la drogue. J'suis YM, j'suis Bill Caprod. Mais j'suis HSBC, solide comme un Kardesh DZ. Ils te jugent au faciès, bestif. A deux doigts de me partir un HSBC. Par ma sueur comme un homme, je ramène la somme à la maison. Je ramène ma petite soeur à l'école, juste avant l'ouverture du réseau. Dans ma favela comme au Brésil, c'est la loi des métaux qui préside. C'est Pequeño dans la plaza, depuis Pequeño dans la maison. Maman m'a dit, tu ressembles à ton grand-père Wildy. T'as les mêmes épaules, elles sont pas autant solides. On n'a pas commis les mêmes écarts, on n'a pas connu les mêmes séquelles. Je suis la fierté de Marseille, on finira pas ex aequo. Je prends ma salade chez les Mexicains. Quand tu fréquentais les grandes écoles, moi je finissais les toxicos. Tu sais que ça m'excite. Pierre sur pierre, ouais, pelle sur pelle, hein. Tape sur tape, un sur un. T'es bien sûr qu'un avec un mec, je t'aurai ton 20 sur 20. Comment tu nous parles, toi? C'était le cartel. T'as des frères, t'as des sœurs, ils sont en sûreté. J'ai des frères dans la zone, on est en surnom. Ça les dérangerait pas de salir sa pureté. J'ai le manche dans mon clan, que des purs sang, que des merboules, c'est certain qu'on va purger. On est les pires jeunes, pur shit, fort fiesta, pas de fiesta. De l'avocat dans le pur jus, putain. On se côtoie dans la galère, et on s'oublie dans la réussite. Y'a rien de glorieux, mon frère. Pourtant on avait tous appris les mêmes sourates. Connu la galère avec les mêmes souliers. J'ai la tête sous l'eau, je suis peut-être saoulé. J'arrive pas à supporter ce putain bled pourrave. Repêcher la haine, pas celle de Vincent Cartel. Celle qui m'a fait gilet, lâcher mes classeurs. Celle qui m'a fait faire mon dégradé à l'ancienne. Celle qui fait que le sarrasin plaît à ta sœur. Par ma sueur comme un homme, je ramène la somme à la maison. Je ramène ma petite soeur à l'école, juste avant l'ouverture du réseau. Dans ma favela comme au Brésil, c'est la loi des métaux qui préside. C'est Pequeño dans la plaza, depuis Pequeño dans la résine. Bill Caprod, la maison mère.